إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est toujours dans le cours, aujourd'hui on commence le cours 49 et on est toujours dans le chapitre au sujet dans Kitab al-Tawhid, le chapitre au sujet de Man ata' al-ulama, باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. C'est-à-dire celui qui obéit le chapitre au sujet de ce qui est mentionné dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans le Coran au sujet de celui qui obéit aux ulama et aux dirigeants. Dans le fait d'interdire ce que Allah a permis et le fait de rendre licite ce que Allah a interdit. Celui qui agit de la sorte, il a pris les savants et les dirigeants comme des seigneurs avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme des égaux. Donc on a parlé de qu'est-ce qui a été mentionné dans ce chapitre. Dans Kitab al-Tawhid, on a mentionné les hadiths et les paroles des salaf à ce sujet. Et là, on va lire ensemble le dernier hadith de ce chapitre. C'est An Adi ibn Hatim. An Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqra' hadhihi al-aya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Faqultu lahu inna lasna na'buduhum. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه قلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد الترمذي وحسنه. Donc c'est le hadith qui est rapporté selon Ali ibn Hatim رضي الله عنه qu'il a entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam réciter le verset 31 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des égaux ou comme des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc, lorsque Adi ibn Hatim a entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam réciter ce verset, il a dit « Lesna na'abuduhum » c'est-à-dire on les adore pas, c'est-à-dire on n'adorait pas les rabbins et les moines, parce que Adi ibn Hatim était un converti et avant sa conversion il était chrétien, il était dans le christianisme. Alors lorsqu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lire ce verset, tout de suite il a voulu clarifier ou demander la clarification au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, pour que les choses soient claires, pour bien comprendre. Alors tout de suite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu. Il a posé une question pour lui demander, n'est-ce pas qu'il rende haram ce qui est halal, c'est-à-dire les moines et les rabbins, ils déclarent des choses illicites que Dieu a permises et vous les considérez comme étant interdites. à cause de, du fait qu'ils l'ont rendue interdite? Et n'est-ce pas qu'ils rendent licites des choses que Dieu a interdites, des choses que Dieu a interdites, et vous les rendez licites parce qu'ils l'ont rendu licite, eux? Eux aussi, donc, le sahabi Adi ibn Hatim a répondu, il a dit, certes, au messager d'Allah, c'est-à-dire que il faisait ce genre de choses-là. Il considérait licite des choses que Dieu avait interdites, il considérait des choses interdites que Dieu avait rendues licites à cause de l'attitude des rabbins et des moines qui rendaient licite ce que Dieu a interdit et qui rendaient interdit ce que Dieu avait rendu licite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu après en disant, lorsqu'il a dit certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors voilà comment vous les adoriez. Fatilka ibadatuhum. Fatilka ibadatuhum. C'est-à-dire c'est de cette façon-là que qu'était votre adoration envers eux. Et ce hadith, il est rapporté par At-Tirmidhi et il est rapporté par l'imam Ahmad également. Et c'est un hadith qui est authentique. Donc, par rapport à ce hadith, le cheikh, il explique At-Tarajum. Premièrement, les personnes mentionnées dans le hadith, Adi ibn Hatim, wa huwa Adi ibn Hatim At-Ta'i, صحابي شهير حسن الإسلام مات سنة 68 هجريا وله 120 سنة رضي الله عنه. Donc Adi ibn Hatim al-Ta'i, c'est un sahabi, un noble sahabi très célèbre qui a eu un islam, il a perfectionné son islam et il a eu un islam très bon. Lorsqu'il s'est converti en islam, son islam était un islam bien, il a bien appliqué l'islam. Il est mort en l'an 68 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lors de sa mort il avait 120 ans. Donc il a vécu une longue vie, radiyallahu anhu. Ensuite, le cheikh explique certains termes qui sont mentionnés dans le hadith et il parle ou il mentionne quelques versets, quelques mots qui sont dans le verset en particulier. Le verset lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. C'est-à-dire ils ont pris ittakhadhu ja'alu, c'est-à-dire ils ont fait de leur ahbar, c'est-à-dire de leurs savants. Parmi les juifs, Ahbar, c'est les savants parmi les juifs, c'est-à-dire les rabbins. Warruhban, ce sont les adorateurs parmi les chrétiens, c'est-à-dire les moines. Ils ont fait d'eux des seigneurs, arbaban min dunillah, haythu taba'uhum fi tahlili ma haram Allah wa tahrimi ma ahalla Allah. C'est-à-dire, ils ont fait d'eux des égaux et des seigneurs avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens qu'ils les ont suivis dans le fait de rendre licite ce qui est interdit et dans le fait de rendre illicite ce que Dieu avait permis. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, après leur avoir mentionné le verset, après avoir lu le verset et après avoir clarifié, en posant cette question, à Adi ibn Hatim, parce qu'on sait que Adi ibn Hatim a dit, lasna na'buduhum, c'est-à-dire, le cheikh il dit, dhanna anna al-ibada yuradu biha at-taqarrub ilayhim bis-sujud wa nahwihi faqat. C'est-à-dire que Adi ibn Hatim, après avoir entendu ce verset-là, il a dit, on les adorait pas, on les adorait pas, c'est-à-dire, il pensait que l'adoration, ça se limitait uniquement à la prosternation et à ce genre de choses. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, parfois s'imaginent, ils pensent que l'adoration c'est seulement de faire des prières, de faire des soujouts et des choses de ce genre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question suivante. Alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna. N'est-ce pas que ils rendent haram ce qui est halal, ce que Allah a rendu halal, et vous le rendiez haram. Et n'est-ce pas qu'ils rendaient halal ce que Allah a rendu haram, et vous le rendiez halal. إلى آخره بيان لمعنى اتخاذهم أربابا. Donc là, il est en train d'expliquer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en mentionnant cet exemple à Adi ibn Hatim, il est en train de lui expliquer qu'est-ce que signifie de les prendre pour des égaux ou de les prendre pour des seigneurs. C'est-à-dire de les considérer ou de les suivre dans le fait de rendre haram ce qui est halal ou dans le fait de rendre halal ce qui est haram. Et que ça, c'est une forme d'adoration. Et que c'est une forme d'adoration, donc en agissant de cette manière envers eux, on les a pris comme des seigneurs avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh explique le sens général du verset ensuite. Il dit al-ma'na al-ijmali haythuma sami'a hadha as-sahabi al-jalil haythuma hinama sami'a هذا الصحابي الجليل تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الآية التي فيها الأخبار عن اليهود والنصارى بأنهم جعلوا علماءهم وعبادهم آلهة لهم يشرعون لهم ما يخالف تشريع الله فيطيعونهم في ذلك استشكل معناها لأنه يظن أن العبادة لأنه يظن أن العبادة مقصورة على السجود ونحوه فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن من عبادة الأحبار والرهبان طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام خلاف حكم الله تعالى ورسوله sallallahu alayhi wa sallam. Donc la signification générale du verset. Lorsque ce sahabi, ce noble sahabi, radiyallahu anhu, a entendu la lecture du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de cette ayah dans laquelle on parle des juifs et des chrétiens et du fait qu'ils ont fait de leurs savants et de leurs adorateurs des divinités et qu'ils leur ont donné le droit de légiférer ce qui est en contradiction avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils étaient obéis dans ça, alors yani Adi ibn Hatim, en entendant ça, il a trouvé que ce verset, yani, il y avait quelque chose de pas clair pour lui dans le verset, ou dans sa signification. Hein? Il a trouvé que dans ce verset, il y avait quelque chose qui n'était pas clair pour lui dans sa signification, parce qu'il a pensé, lui, que l'adoration se limitait uniquement à la prosternation et à ce genre de choses. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a clarifié que parmi les choses qui rentrent dans l'adoration qu'ils offraient aux rabbins et aux moines, il y a le fait qu'il leur obéissait dans le fait de rendre haram ce qui est halal et dans le fait de rendre halal ce qui est haram. Et yani en contradiction avec le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Munasabatul hadith lil bab. Yani pour quelle raison on mentionne ce hadith dans ce chapitre? Le cheikh il dit أن طاعة المخلوق في معصية الله عبادة له من دون الله لا سيما في تشريع الأحكام وسن القوانين المخالفة لحكم الله. Donc le cheikh dit, pour quelle raison on mentionne ce hadith dans ce chapitre, c'est parce que le fait que lorsqu'on obéit à une créature dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient une forme d'adoration qu'on lui offre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en particulier dans la législation des règles et dans le fait d'établir des lois qui sont en contradiction avec le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit ensuite: et qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? Ma yustafad min al-hadith. Awalan, anna ta'at al-ulama fi ghayr أن طاعة العلماء وغيرهم من المخلوقين في تغيير أحكام الله إذا كان المطيع يعرف مخالفتهم لشرع الله شرك أكبر. Donc, le Cheikh, il explique, il donne les points bénéfiques. Il commence par le premier. Le premier point, c'est quoi? C'est que d'obéir aux savants et aux autres, c'est-à-dire autres que les savants. C'est-à-dire, ça peut être autres que les savants. C'est pas obligé d'être les savants seulement. Ça peut être aussi les dirigeants, ceux qui sont à la tête et qui prennent les décisions. Donc, de leur obéir à eux. Ou autres parmi les créatures. Hein, ça peut être des chouyours, ça peut être des imams, ça peut être des ulama, ça peut être des dirigeants. Donc, d'obéir à ces créatures-là dans le fait de changer les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il spécifie, entre guillemets, il dit, si la personne qui obéit sait que ce jugement est en contradiction avec la législation d'Allah, alors dans ce cas-là, c'est une forme de shirk akbar. Donc cette condition que le cheikh il mentionne entre guillemets, ça c'est très très important d'en tenir compte. C'est très important d'en tenir compte parce que c'est la distinction entre la différence entre les khawarij et les gens d'Ahlus Sunnah. Hein, parce que les gens d'Ahlus Sunnah, ils vont pas déclarer la personne qui a suivi une autre personne dans quelque chose qui est en contradiction avec le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, par ignorance, ils vont pas le déclarer kafir. Hein? Par ignorance, ils vont pas le déclarer kafir. Donc le cheikh il dit, si la personne elle obéit au ulama ou à une autre d'entre les créatures dans le changement des règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, si cette personne qui obéit sait que cette obéissance est en contradiction avec la législation d'Allah, dans ce cas c'est une forme de shirk majeur. Le deuxième point, ثانياً أن التحليل والتحريم حق لله تعالى. Deuxièmement, il faut savoir que le fait de rendre licite ou de rendre illicite quelque chose, ça c'est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est quelque chose d'important à comprendre pour nous. En particulier, toute personne qui vit dans une société laïque où les hommes se sont donné le droit de légiférer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être conscient que ce genre de choses-là, c'est kufr. Et que la laïcité en elle-même, c'est quelque chose qui est kufr en opposition avec la religion d'Allah, en contradiction avec le tawhid d'Allah, puisque c'est de donner aux créatures hein, le droit de légiférer et de rendre licite ou illicite et de mettre la législation divine en dessous de ce que les hommes ont légiféré, c'est-à-dire de mettre le Coran et la Sunna en dessous des lois que les hommes ont inventées eux-mêmes dans leurs différents pays. Donc ça c'est quelque chose qui est kufr, hein, quelque chose qui est kufr, et c'est une forme de kufr majeure parce qu'on donne à une créature quelque chose qui est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. On donne ce droit-là soit à un individu, ou soit à un parti, ou soit aux membres du parlement qui vont voter, ou des choses de ce genre. Donc tout ça, c'est des exemples de kufr et de shirk, que ce soit dans la démocratie, ou dans la laïcité, ou dans les autres systèmes comme le communisme, ou d'autres systèmes que les occidentaux ont inventé, ça rentre tout dans cette catégorie qui est en opposition donc avec les fondements même de la ilaha illallah et du tawhid. Mais beaucoup de musulmans aujourd'hui, comme on a expliqué plusieurs fois, qui n'ont pas étudié le tawhid, ils sont pas au courant de ces choses-là. Et ils pensent que un musulman, du moment qu'il dit la ilaha illallah, c'est suffisant, même s'il ne connaît pas sa signification, et même s'il ne connaît pas tout ce que ça implique. Et Yannick, tu le vois par exemple, parmi des musulmans, tu vois certains aujourd'hui qui parlent d'islam, puis en même temps qui croient en la démocratie, qui croient en la laïcité, et qui défendent ces idéologies-là. Et même parmi les soi-disant islamistes aujourd'hui, tu les vois prétendent appeler à l'islam, prétendent vouloir même appeler à établir la charia dans les pays musulmans, et que par la suite tu les vois en train d'utiliser comme moyen pour y arriver les parlements et les élections, et rentrer dans la démocratie, et même s'asseoir et faire des alliances avec les laïcs, ou avec des communistes, ou avec des socialistes, ou des gens qui sont comme ces gens-là, des koufars, yani des ennemis de l'islam. Donc ça, c'est des exemples de contradictions. Et ça se produit de la part des gens qui parfois se disent musulmans, ou qui parfois se disent parmi les hezbiyins, comme les sururiya, et les ikhwan, et les gens de ces différentes sectes, qui essaient donc de mélanger la religion et de suivre leur passion pour arriver au pouvoir, des choses de ce genre. Donc le tawhid, c'est pas juste de l'étudier comme ça, c'est pas suffisant, il faut l'étudier, le comprendre avec les ulama, retourner à leurs explications, et en même temps aussi, bien entendu, l'appliquer. Hein. Donc ceux qui disent, qui parlent parfois de tawhid, et même parfois qui vont appeler à qu'est-ce qu'ils ont inventé comme tawhid, comme qu'est-ce qu'ils appellent tawhid al-hakimiyya, hein. Ils appellent Tawhid al-Hakimiyya. Ça, c'est une chose qu'ils ont inventée pour opposer les gouvernements dans les pays musulmans et pour appeler au takfir. Et puis, tu les vois par la suite, ces mêmes personnes qui appellent au takfir des dirigeants, entrer eux-mêmes dans la démocratie, entrer eux-mêmes dans les élections, entrer eux-mêmes dans les parlements, s'asseoir dans les parlements et dans les assemblées législative et assemblée nationale pour voter des lois avec les laïcs, avec les socialistes, avec les laïcs, pour soi-disant avoir comme objectif d'établir la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils utilisent un moyen qui est kufr pour arriver à l'établissement de l'islam et de la charia. Ça, c'est quelque chose d'absurde et complètement contraire à l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et contraire à l'exemple de tous les messagers qu'Allah a envoyés sur la terre. Point numéro 3. Bayan li naw'in min anwa' ash-shirk wa huwa shirk at-ta'a. Donc c'est la clarification et l'explication d'une des catégories de shirk, qui est le shirk dans l'obéissance. Donc ça, c'est une des catégories parmi les catégories de shirk. Rabi'an, mashru'iyyatu ta'lim al-jahil. Donc le point numéro 4, parmi les points qu'on peut tirer de ce hadith, parmi les points bénéfiques de ce hadith, c'est du fait qu'il est légiféré dans la religion d'Allah d'enseigner à celui qui est ignorant. Comme on a vu dans ce hadith, puisque Adi ibn Hatim ne connaissait pas l'explication et la signification de l'adoration dans toute sa signification complète, dans tout ce que ça implique. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué et lui a enseigné. Le point numéro 5, anna ma'na al-ibada wasi'un yashmalu kull ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwal wa al-a'mal adh-dhahirati wal-batina. Donc le point numéro 5, il explique que la signification de l'adoration, c'est une parole qui est large. La signification de l'adoration, c'est une signification qui est large et qui englobe tout ce que Allah aime et tout ce qu'il agrée comme parole et action, qu'elle soit apparente ou cachée. Donc ça, c'est la définition de l'adoration. Donc pour revenir encore une fois à ce point qui est le point numéro 2, que le fait de rendre licite ou illicite quelque chose, c'est un des droits exclusifs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les hommes n'ont pas à se l'approprier ou à rendre halal ou haram quelque chose en contradiction avec ce que Allah a légiféré. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit par exemple dans certains pays musulmans, que ce soit en Égypte, après leur soi-disant révolution ou quoi, on voit que certains groupes parmi les islamistes comme les Ikhwan ou autres sont rentrés dans les élections. Non seulement eux, mais là il y a un groupe un groupe que les occidentaux appellent les salafistes, les salafis, et qui n'ont rien à voir avec la salafia, parce qu'on sait que les salafis ne rentrent pas dans les parlements, ils ne rentrent pas dans la démocratie ou dans des trucs de ce genre. Donc déjà, ils ont contredit la salafia, hein, et ils ont contredit les positions des ulama à propos de ce genre de choses. Mais on voit de leur part, hein, qu'ils rentrent dans ce genre de choses. En réalité, ce sont des sururiya, des qutbiyin, hein, et des takfiriyin, ils n'ont rien à voir avec, ils n'ont rien à voir avec la salafia. Hein. Donc laissez-vous pas tromper par qu'est-ce que ces gens-là disent dans les médias du groupe des salafistes en Égypte. Ce ne sont pas des salafistes. S'ils rentrent dans les élections et s'ils rentrent dans les parlements, hein, et maintenant vous voyez par exemple que ce soit Mohamed Hassan ou bien Abu Ishaq al-Huwaini ou d'autres parmi ces individus-là maintenant qui encouragent certaines personnes à rentrer dans les élections ou à rentrer dans le parlement ou des choses de ce genre, ça prouve clairement que leur manhaj c'est pas un manhaj salafi, hein, que leur manhaj c'est pas un manhaj salafi. La même chose pour Abdurrahman Abdul Khaliq et les groupes qui suivent sa tendance, aussi la même chose, hein. Abdurrahman Abdul Khaliq et beaucoup d'ulama les ont réfutés sur ce point là et sur beaucoup d'autres points aussi. Donc ces gens là sont des ikhwan, des qutbiyin, des sururiya. Il ne faut pas se laisser tromper par l'image qu'ils se donnent avec la barbe et le qamis pour penser que ce sont des salafis. Ce ne sont pas des salafis. Juste pour que l'affaire soit plus claire, parce qu'il y a des points là-dedans, dans ce chapitre, qui peuvent porter à ambiguïté et puis qui peuvent confondre certaines personnes. On sait que parfois les takfiris essaient d'utiliser ce chapitre et le chapitre suivant dans leur takfir. Bien entendu, il n'y a pas d'argument pour eux dans ces hadiths-là si on les comprend à la façon des ulama, des salafs, comment eux les ont compris ces textes. Et c'est pour cette raison-là que, étant donné que ce livre qu'on est en train de lire est un résumé, je voulais juste rajouter quelques petites clarifications avec un charh un petit peu plus élaboré à ce sujet-là, des paroles du Cheikh Ahmed al-Najmi, Ahmed ibn Yahya al-Najmi, dans son charh de Kitab al-Tawhid, الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد. Donc à la page 243, Cheikh il explique donc ce chapitre. Il dit: أقول إن طاعة العلماء والأمراء في مخالفة أمر الله عز وجل بأن يحلوا ما حرم الله أو يحرموا ما أحل الله فهذه تعتبر عبادة تعتبر عبادة لهم من دون الله تعتبر عبادة لهم من دون الله ذلك أن الله عز وجل أنزل إلينا القرآن وتعبدنا به وأوصل إلينا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتعبدنا بها فهذا هو الدين الذي أمر الله بأن يدان به فمن أطاع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فإنه قد اتخذهم مشرعين وبذلك اتخذهم أربابا والله سبحانه وتعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فلهذا أنكر ابن عباس على من كان يقول لهم قال رسول الله كذا وشرع كذا وهم يقولون قال أبو بكر كذا وشرع عمر كذا وكان الخلاف بينه وبين الصحابة أو غيرهم حصل في التمتع. Donc on va arrêter ici puis on va traduire cette partie. Cheikh il dit, je dis, c'est-à-dire le Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah, il dit que certes l'obéissance des dirigeants et des savants et des dirigeants dans ce qui est en contradiction avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, en rendant halal ce que Allah a rendu haram, ou en rendant haram ce qu'il a rendu halal, ça c'est considéré comme une adoration qu'on leur a offert en dehors d'Allah. Dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé, nous a révélé le Coran, et il nous a ordonné de l'adorer en suivant ce qui est dedans. et il nous a fait parvenir la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il en a fait une adoration, il en a fait que de le suivre, c'est une adoration. Et c'est ça la religion que Allah nous a ordonné de suivre, et c'est ça la religion qu'il nous a ordonné, par laquelle il nous a ordonné de l'adorer. Donc quiconque obéit aux savants ou aux dirigeants dans le fait de rendre haram ce que Allah a rendu halal, ou de rendre haram, ou de rendre, dans le fait de rendre halal ce que Allah a rendu haram, dans le fait de rendre haram ce que Allah a rendu halal, alors il les a pris comme des législateurs. Et de ce fait, il les a pris comme des égaux, ou des seigneurs avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 21 dans surat Ash-Shura, أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. C'est-à-dire, ce qui signifie, est-ce qu'ils ont des partenaires qui légifèrent pour eux de la religion ce que Dieu ou ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas permis? Est-ce qu'ils ont des égaux? Est-ce qu'ils ont des partenaires qui légifèrent de la religion, dans la religion ce que Dieu, ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas permis? Et c'est pour cette raison-là qu'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il a dit à ceux, lorsque par exemple, Abdullah ibn Abbas leur disait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire telle ou telle chose, ou que le prophète, ou que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit telle ou telle chose, et qu'il a légiféré telle ou telle chose, et que eux répondaient que Abu Bakr a dit telle chose, ou bien que Omar radiallahu anhu a légiféré telle chose, parce qu'il y avait une divergence entre lui, c'est-à-dire entre Abdullah ibn Abbas et d'autres parmi les sahaba au sujet de At-Tamattu', c'est-à-dire une des différentes sortes de hajj que les gens peuvent faire, c'est-à-dire le hajj Tamattu'. Le cheikh il dit ensuite, Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam shara' At-Tamattu' wa amra bihi ولم يسق الهدي من أصحابه ومن وأمر به من لم يسق الهدي من أصحابه أمرهم أن يحولوا حجتهم إلى عمره أن يحولوا حجتهم إلى عمره وكان آخر أمره لهم عند المروة لما أكملوا السعي وكان لأبي بكر وعمر رأي في هذه المسألة إذ إنهم رأيا أن من تمام العمرة والحج أن ينشأ لكل واحد منهما سفرا خاصا بها فأمرا بذلك لا معارضة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن اجتهادا منهما رضي الله عنهما ومن أجل ذلك فقد استمر بعض الناس في هذا وجعلوا ينكرون على من تمتع بعمرة إلى الحج فناقش عبد الله بن عباس أقواما في ذلك ولذلك قال لهم يوشك أن تنزل عليكم أو أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. Donc le cheikh il explique qu'il y avait cette divergence donc entre Abdullah ibn Abbas et d'autres sahaba au sujet de At-Tamattu', parce que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a légiféré et a ordonné At-Tamattu', et il a ordonné donc à tout le monde qui n'avait pas ramené leur offrande avec eux, leur sacrifice avec eux, de faire At-Tamattu' et de sortir de leur ihram et de changer leur hajj pour une umrah. Ça c'était son dernier ordre lorsque les gens ont fini de faire As-Sa'i, lorsqu'ils sont arrivés à Marwa et qu'ils avaient complété leur Sa'i. Il leur a dit, enlevez votre ihram et changez votre hajj pour une umrah. Donc ça c'était l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Abu Bakr et Omar, eux, ils avaient une autre opinion sur cette question, et ils ont eu comme opinion qu'il fallait compléter pour la Umra et pour le Hajj, c'est-à-dire il fallait compléter le Hajj, rester dans leur ihram jusqu'au Hajj, et qu'ils devaient revenir pour une autre fois s'ils voulaient faire une Umra, mais venir dans un voyage séparé, spécifique, particulier pour faire la Umra, et un voyage spécifique, particulier pour le Hajj, comme s'ils devaient venir deux fois. Et ils ont donc ordonné cette opinion-là. Et quand le cheikh spécifie que quand ils ont ordonné cette opinion, c'était pas pour opposer l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était par ijtihad de leur part. Hein? C'est possible qu'ils n'avaient pas entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc eux, ils ont utilisé leur jugement pour établir cette opinion-là, car pour eux, c'était ça qui était le plus correct à faire. Mais Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, à ce sujet-là, il a ordonné ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait ordonné. Et il y a des gens qui avaient continué donc à prendre l'opinion de Abu Bakr et de Omar, même par la suite, hein, radiallahu anhuma. Et ils condamnaient ou ils critiquaient ceux qui faisaient le tamattu. Hein? Il critiquait ceux qui faisaient le tamattu. Alors Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, il a débattu avec certains d'entre ceux qui disaient que il ne devait pas enlever le ihram, ou bien qu'il pouvait faire hajj tamattu. Il a débattu avec eux à ce sujet là et que au sujet que le mieux c'était de faire hajj tamattu. Alors il leur a dit, je crains que des pierres tombent du ciel sur vos têtes, parce que moi je vous dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous me répondez, Abu Bakr et Omar a dit. Après le cheikh dit à l'imam Ahmed ibn Hanbal, « Ajibtu li qawmin arafu l'isnad wa sihatah, wa yadhabuna ila ra'i Sufyan. » On a lu cette parole, on a expliqué qu'est-ce que ça signifie, la parole de l'imam Ahmed. Et après cette parole, le cheikh, il dit, donc il explique cette parole, on a lu donc cette parole-là, on a expliqué aussi, et la parole de Ali ibn Hatim. Donc je vais juste aller jusqu'à la parole où il commence à parler justement de ces différentes questions et des exemples au sujet de ce chapitre. Il dit, إن طاعة الخلق في معصية الله فيها شيء من الشرك وإن كان شركا غير مخرج من الملة غالبا لأنه شرك أصغر ويسمى من أجل ذلك عبادة ومن هنا يخطئ كثير من الناس فيظنون أن طاعة المخلوق في معصية الخالق في أمر جزئية يظنون أن ذلك من الكفر المخرج من الملة وهذا خطأ والظاهر أن ذلك يتفاوت بتفاوت ما وقعت به الطاعة من هذه وهذه المسألة بالذات تحتاج إلى تحقيق أكثر لأن لو قلنا أن كل طاعة قدمت للمخلوق في معصية الله أو في معصية الخالق تعد كفرا للازم من ذلك تكفير المسلمين بأمور من المعاصي ولكنها من الشرك الأصغر والكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. Le cheikh il explique que l'obéissance à la créature dans la désobéissance d'Allah, il y a quelque chose qui a rapport au shirk là-dedans. Même si c'est un shirk qui ne fait pas sortir de la religion en général, parce que c'est un shirk mineur. Et c'est pour ça qu'on l'appelle ibada, une adoration. Et c'est pour ça qu'ici, il y a des gens qui se trompent dans cette question-là. Beaucoup de gens ont fait des erreurs dans cette question-là. Ils pensent que toute obéissance à une créature, dans la désobéissance du créateur, même dans des choses qui sont élémentaires, hein, des éléments séparés, ils croient que ça, c'est des choses qui font sortir complètement de la religion de l'islam. Et ça, c'est une erreur. Comme par exemple, si quelqu'un, son père lui ordonne de faire quelque chose, et que cette chose-là, elle est interdite en islam. Hein? Donc, et que la personne, elle le fait. Est-ce qu'on va dire de cette personne, ça y est, cette personne est devenue mécréante, parce que son père lui a ordonné de le faire et elle l'a fait. Comme par exemple, un homme, il fume. Il ordonne à ses enfants, à son enfant, d'aller acheter de la cigarette pour lui. Ou d'aller acheter de l'alcool pour lui ou des choses comme ça. Et que son fils, il le fait. Supposons que son fils, il est ignorant du fait qu'il n'a pas à obéir son père dans ce genre de choses. Ou bien, il pense que l'obéissance aux parents, ça implique qu'il doit l'obéir même dans ce genre de choses. Il y en a des gens parfois qui sont ignorants comme ça. Ils ne savent pas qu'on n'a pas le droit d'obéir à notre père ou à notre mère dans des choses haram comme ça. Ou bien que la personne, elle a peur de son père, de se faire punir ou des choses comme ça. Donc, elle lui obéit dans ces genres de péchés. Donc, ça c'est quelque chose qui veut dire que cette personne-là, elle a obéi à une créature dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, ça ne veut pas dire que la personne est nécessairement mécréante et qu'elle sort de l'islam. Hein, puisque la personne qui le fait, tant qu'elle n'a pas rendu cette chose-là halal, hein, on ne peut pas déclarer que cette personne-là est mécréante. Hein, et c'est ça qui est important de comprendre. Et la même chose pour quelqu'un qui obéit à un dirigeant dans quelque chose qui est interdit, ça ne veut pas dire que le fait qu'il obéisse à ce dirigeant-là, dans ce qui est interdit, qu'il est nécessairement sorti de l'islam et qu'il est devenu kafir. Hein? Puisque s'il ne le fait pas en croyant que cette chose-là elle est halal, eh bien dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'il est sorti de l'islam. Et c'est ça que Cheikh Al-Fawzan expliquait tout à l'heure, lorsqu'il mentionnait le point dans la condition ou dans les points qui sont bénéfiques ou qu'on peut tirer de ce chapitre. Il mentionnait le point numéro 1 et c'est justement ce qu'il disait, qu'on ne peut pas dire de cette personne qu'elle est mécréante et que son shirk est un shirk akbar, sauf si il l'a fait avec connaissance à ce sujet-là. Il dit, le cheikh, ici il y a beaucoup de gens qui font l'erreur à ce sujet-là. Il dit, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que il y a des degrés dans le niveau de kufr. Et il y a des différences dans le kufr qui peut arriver d'une personne par rapport à l'obéissance dans un péché. Et il faut faire plus d'analyse et vérification justement pour arriver à bien comprendre cette question-là. Le cheikh, il dit, parce que sinon, si toute obéissance qui était offerte ou donnée à une créature dans la désobéissance du créateur était un kufr, alors ça voudrait dire qu'on devrait, dans ce cas-là, faire le takfir des musulmans pour des péchés, alors que ce sont des formes de shirk mineur. Et le shirk mineur, comme on le sait, ça ne fait pas sortir de l'islam. Le cheikh donne des exemples. مثال ذلك. لو أن شخصا أمرته زوجته بأن يشتري لها أمرته زوجته بأن يشتري لها شيئا محرما في الشريعة فوافقها وحقق رغبتها هل يعتبر حين أطاع زوجته قد خرج من الإسلام واتخذها ربا والعياذ بالله الجواب لا لأن هذه الطاعة هي طاعة في معصية الله ولكنها طاعة جزئية لا يترتب عليها كفر المطيع وكذلك لو أن شخصا ممن يزعمون أنهم علماء والدعاة ولكنهم مفتونون بالحزبيات وكأن يكون إخوانيا أو قطبيا أو تحريريا ينتمي إلى حزب التحرير قال لشخص كان ممتنعا عن الدخول في الحزبيات إن الحزبيات جيدة تحفز على العمل ونحن نرى الحزبيين يجتهدون في الدعوة أكثر عن من يقال لهم حتى أكثر عن من يقال إنهم سلفيون فأطاعهم ذلك الشخص ودخل الإخوانية مثلا أو في حزب التحرير أو القطبية فهل نقول أنه كفر بطاعته لهذا المفتي الذي أفتاه؟ الجواب لا، وإن كان هذا المفتي يعد من الأحبار والرهبان قد أطاعه في معصية الله، وكذلك لو أطاع نفسه التي أمرته بمعصية الله عز وجل بأن كان في حوار مع أخيه أو مشادة معه فغضب عليه فسفق دمه وأزهق روحه، فهل يعتبر قد كفر بذلك؟ الجواب لا. Donc le cheikh donne trois exemples. Le premier exemple, un homme qui a obéi à sa femme. Sa femme lui a demandé d'acheter quelque chose qui est haram dans la sharia, et elle a été d'accord avec lui. Il a été d'accord avec elle et lui a acheté. Il a satisfait sa demande. Est-ce que lorsqu'il a obéi à sa femme dans cette chose, il est sorti de l'islam? Est-ce qu'il l'a pris comme un seigneur ou un égal avec Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que cette obéissance, c'est une obéissance dans la désobéissance, c'est une obéissance dans la désobéissance d'Allah, mais c'est une obéissance partielle. Et ça n'implique donc pas la mécréance de celui qui a obéi. De même que la personne qui, par exemple, parmi les gens qui se font passer pour des ulama, une personne qui a été trompée par ceux qui se font passer pour des ulama ou se présentent comme étant des ulama ou des du'at, mais qui ont été égarés par différentes formes de partisanisme ou des formes de hizbiya, comme les ikhwan. Comme par exemple une personne qui est avec les Ikhwan, qui est avec les Qutbiyin, qui suit la méthodologie de Sayyid Qutb, ou bien qui fait partie des gens qu'on appelle Hizb al-Tahrir, le parti qu'on appelle Hizb al-Tahrir, qui sont présents dans les pays arabes, puis qui sont aussi présents en Occident même, en Angleterre, puis dans certains pays européens aussi, même ici en Amérique du Nord, qui appellent au takfir et qui appelle soi-disant à établir le khilafa ou des choses comme ça. Si quelqu'un était trompé par une de ces personnes, si quelqu'un par exemple il ne veut pas rentrer dans ces parties-là, puis il rencontre une personne parmi ceux qui se présentent comme étant un da'ya ou un sheikh ou un mufti, et qui commence à lui dire que les parties c'est une chose qui est bonne et que ça encourage à faire des actions, ça motive à l'action, et il lui dit par exemple que les partis, si tu vois ceux qui sont dans les groupes, dans les partis islamiques, ils font plus d'efforts dans la da'wah que ceux qui se disent salafis. Donc cette personne, elle entend ces arguments-là, puis elle décide d'obéir à cette personne et elle rentre dans le groupe des Ikhwan ou bien dans le groupe de Hizb al-Tahrir ou bien dans le groupe des Qutbiyya. Donc, est-ce qu'on va dire que cette personne est devenue mécréante parce qu'elle a obéi à ce mufti, lorsque ce mufti-là lui a donné cette fatwa? Le cheikh, il répond, il dit non. Parce que ce mufti, il dit non, on ne va pas dire qu'il est devenu mécréant. Même si ce mufti lui-même, il est comparable aux moines et aux rabbins. Et que cette personne a obéi dans la désobéissance d'Allah. Mais on va pas, malgré tout, on ne va pas le considérer comme étant kafir à cause de ça. De même que si quelqu'un obéissait à son âme, qui lui ordonne de faire un péché et de désobéir à Allah. Par exemple, lorsqu'elle rentre dans un débat ou une discussion avec son frère, puis il commence à se mettre en colère, puis cette colère-là le pousse à faire couler son sang et à prendre son âme. Est-ce qu'on va dire que cette personne est devenue mécréante en ayant obéi à son âme dans ce genre de péché-là? Le cheikh, il dit non. La réponse, c'est non. Et le cheikh il explique ensuite, il dit wa naqul inna kathiran min an-nas alladhina yukaffiruna an-nas bil-ma'siyah yadhhabuna ila hadha at-ta'wil al-khati' alladhi yukaffiruna bihi 'ibad Allah al-muslimin. ولو كان هذا من الكفر المخرج من الملة لما بقي من المسلمين أحد على إسلامه. Donc le cheikh il dit, nous on dit que il y a beaucoup de gens aujourd'hui parmi les gens qui font le takfir à cause des péchés, à cause de des péchés que certaines personnes font, ils arrivent à cette fausse compréhension et à cette erreur et ils ont cette erreur de compréhension là et c'est pour ça qu'ils font le takfir des musulmans et qu'ils font le takfir des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit, si cette chose là était un kufr qui fait sortir de la religion, alors il ne resterait plus aucun musulman qui resterait encore sur son islam. Le cheikh il dit ensuite, walakin kama qil fil mathal yufsidu l'adyan nisfu faqih wa yufsidu l'abdan nisfu tabib لزيادة ولزيادة الإيضاح نجد أن الله عز وجل سمى القاتل أخا في قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأتاء إليه بإحسان. وقال في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أي نعم. دونك le cheikh il dit fasamma al fi'atayn al muqtatilatayn ikhwa fa dalla zalika ala annahuma lam yakhruja min al islam bil taqatul wa min huna aydan ta'lamu khata al khawarij wal mu'tazila alladhina yukaffiruna bil kabira wa man salaka maslakahum min ahli al hizbiyat fi hadha al zaman. Donc le cheikh explique que comme on dit dans le proverbe bien connu, qu'est-ce qui corrompt la religion? C'est un demi-faqih. Et qu'est-ce qui corrompt les corps? Un demi-médecin. C'est-à-dire médecin à moitié. Et qu'est-ce qui corrompt la religion? Un savant à moitié. Quelqu'un qui est à moitié savant. Et qu'est-ce qui corrompt les corps? C'est quelqu'un qui est à moitié médecin. Et pour avoir plus de clarté au sujet de qu'est-ce qu'on a mentionné, on a juste à voir que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 178 dans sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala il a nommé le meurtrier, il a parlé du meurtrier comme étant le frère de la personne qui a été de la personne qui l'a tué. Le meurtrier, il a été appelé dans le Coran le frère de celui qui l'a tué. Donc le frère de sa victime. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, mais celui à qui son frère aura pardonné, en quelque façon, doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ok? Donc ça c'est la preuve que même si un musulman a tué un autre musulman, il est quand même considéré comme étant son frère dans l'islam. Donc ça veut dire qu'il est toujours un croyant, il n'est pas sorti de l'islam à cause de ce péché-là. Et il mentionne les versets 9 et 10 dans Surat Al-Hujurat, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et si deux groupes parmi les croyants se combattent l'un l'autre, alors faites la réconciliation entre les deux. Et si un des deux transgresse contre l'autre, alors combattez celui qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Hein? Et si par la suite, ils penchent vers l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors faites la réconciliation entre eux en toute justice et soyez justes Certes, Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens qui sont justes. Et il mentionne ensuite le verset 10 qui dit, certes les croyants ne sont que des frères. Alors, faites la réconciliation entre vous, entre vos frères, et craignez Allah pour que vous puissiez avoir sa miséricorde. Donc, dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala a nommé les deux groupes qui se combattent des frères. Ça, c'est la preuve qu'ils ne sont pas sortis de l'islam pour s'être combattus, pour s'être tués les uns les autres. Et c'est de là qu'on peut comprendre que les Khawarij et les Mu'tazila, ceux qui ont fait le takfir des musulmans à cause des grands péchés, ont commis une erreur dans leur compréhension. Et toutes les autres personnes qui ont suivi cette voie parmi les Hizbiyyin à notre époque, ils ont commis la même erreur que les Khawarij et les Mu'tazila à ce sujet. Hein, comme par exemple certains individus à notre époque qui considèrent que la personne, hein, quand elle persiste à faire un grand péché, elle devient mécréante. Et ils le déclarent kafir. Hein. Et si quelqu'un il est moussir à l'al-kabira, il considère que ça c'est une forme d'istihlal. Ça veut dire que la personne elle a rendu ce péché-là licite en le faisant continuellement ou en persistant à le faire. Et donc, ainsi, il le déclare kafir. Et donc, ça c'est une erreur grave. Hein? Et tous les ulama, Ahl-Sunnah, ont contredit cette position aujourd'hui. Tandis que certains, comme Abu Ishaq al-Huwayni et d'autres, ont eu cette position-là et ils la défendent toujours. Le Cheikh dit, « لو قال لنا قائل, كيف ترد على من يقول إن تربية الشباب على احترام العلماء وعدم الإنكار عليهم إذا أخطأوا في اجتهاداتهم أن هذا نوع من الشرك الأكبر؟ أقول إن القول بأن هذا شرك أكبر قول باطل، وإن تربية العلماء السلفيين لطلابهم على احترام العلماء لا يلزم منه السكوت عن أخطائهم، ولكنهم يقولون إن الذي ينبغي لمن أنكر على العلماء أن ينكر عليه بطريقة يكون فيها أدب ولين، إما أن يكون بينه وبين العالم، وإما أن يصوغ له سؤالا ينبهه على الخطأ من غير مجابهته، لأن كلمة أنت أخطأت يا شيخ فيه شيء من الاستخفاف وسوء الأدب. فمن يقول إن السلفيين حينما يأمرون طلابهم باحترام العلماء يكون في ذلك شرك أكبر قول غير صحيح، بل هو قول باطل، والمعروف عن السلفيين أنهم يأمرون بالنصيحة بطريقة لقبة لا يكون فيها استهتار ولا استخفاف كما سبق أن بيناه. نعم. Donc le cheikh il explique qu'est-ce qu'on pourrait répondre à la personne quand elle nous dit par exemple que comment on peut répondre à la personne qui dit que le fait d'éduquer les jeunes à respecter les ulama et de ne pas les condamner lorsqu'ils font une erreur ou ne pas les réprimander ou leur répondre ouvertement quand ils font une erreur dans leur ijtihad, que ça c'est une forme de shirk majeur. Le shirk, il répond, il dit non. Il dit de dire que ça c'est une forme de shirk majeur, c'est une parole fausse. Et l'éducation des ulama salafiyin, l'éducation qu'ils donnent à leurs élèves, de respecter les ulama, ça n'implique pas non plus qu'ils doivent se taire lorsque les ulama font des erreurs. Mais ils leur disent quoi? Ils disent quoi à leurs élèves? Ils disent que si les ulama ou un alim en particulier a fait une erreur, ils doivent lui répondre ou bien ils doivent corriger cette erreur, mais avec une façon qui qui est avec du respect, avec de la douceur, avec une bonne de bonne manière. Hein? Soit qu'il va le faire en privé, entre lui et ce savant-là, soit qu'il va le faire en lui posant une question qui va lui faire prendre conscience de cette erreur, sans que ce soit fait d'une façon à comme un affrontement, sans que ce soit fait comme un affrontement, parce que si quelqu'un arrive devant le cheikh et lui dit « Oh cheikh, t'as fait une erreur », il y a un peu de, comme s'il y a un manque de respect là-dedans. C'est pas tellement une bonne éducation d'agir comme ça. Donc celui qui dit que lorsqu'on éduque les étudiants et lorsqu'on les élève à respecter les ulama, que ça c'est une forme de shirk akbar, ça c'est clair que c'est incorrect et que c'est faux et que c'est une parole totalement fausse. Qu'est-ce qui est connu de la part des salafiyin, c'est qu'ils ordonnent de donner la nasiha, hein, d'une manière convenable, hein, sans qu'il y ait un manque de respect et sans qu'il y ait non plus une négligence ou bien un laisser-aller dans ces choses-là. Bien entendu, ça c'est clair, cette question-là, elle est claire par rapport à ces questions-là. Et puis, en ce qui concerne, bien entendu, ça c'est en ce qui concerne les ulama salafiyin. Quand ça concerne les gens de bid'ah qu'on réfute ouvertement, puis qu'on réfute avec, parfois que les ulama réfutent avec dureté, et ainsi de suite, ça c'est une autre situation, un autre contexte. L'important, on voit que les ulama de Ahlus Sunnah, ils répondent aux gens de bid'ah avec dureté, puis en même temps, bien entendu, la base de ça, c'est avec les preuves, avec la science, avec le ilm. Donc, pour ça, on va s'arrêter avec ça pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et donc, je voulais juste rajouter ces petits détails-là pour clarifier la situation, pour clarifier les points. Et puis, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va lire l'explication de l'autre chapitre qui vient après. C'est le verset 60 à 62 dans Sourate An-Nisa. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik ila akhir al-aya. Donc, on va expliquer ça la semaine prochaine. Ce sera le cours numéro 50, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك